Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. Alors, voilà, ça c'est une choubha encore. Shir fait ce qu'on appelle la khatima, c'est-à-dire la fin du livre. Il dit, si aujourd'hui on dit que مذهب أهل التأويل, les gens du ta'wil, dans les sifat, sont des gens qui sont donc dans le faux, comment dire des ash'arites, les ash'a'ira, qui représenteraient à peu près 95% des musulmans, qu'en va-t-on dire de leur, à leur sujet, étant donné que maintenant, il veut dire que c'est un madhab sa'id, c'est-à-dire que c'est une école répandue dans tous les pays musulmans. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري وكيف يكون باطلا فيهم وفيهم فلان وفلان فلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب. Il dit ici, regardez, il y a trois questions. Il dit, et comment ça peut être le cas, c'est-à-dire de dire, premièrement, 95% des musulmans. Yani, si on dit que Ahl al-Ta'wil sont Al al-Batil, d'accord, cela va nous imposer certaines choses. La première, de dire que 95% des musulmans sont Al al-Batil. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'ils suivent Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'était quelqu'un de très grande renommée, etc., etc., chez beaucoup de shuyukh et de savants. Tayyib. Ça, c'était vers la fin de sa vie. Amma, au début de sa vie, quand il était avec Ibn Kulab, il est passé de l'i'tizal, il était mu'tazili, ensuite il est devenu Ash'ari. De toute façon, il va répondre à ça. Enfin, il est devenu Ash'ari, c'est lui qui a inventé l'Ash'ari. Mais après, il a tout de ça, à la fin de sa vie, comme on va le voir, Inch'Allah. Kayfa yakunu batilan wa fihim fulan wa fulan. Et comment, la troisième question, comment ce madhab peut être faux alors qu'il y a un tel et un tel et un tel de parmi les grands savants de l'islam? Et c'est vrai. Il y a des grands savants qui ont été touchés par l'aqidah des Asha'ira. Parmi eux, Ibn Hajar, parmi eux, Ibn Nawawi. Mais Nawawi, il a fait tawba à la fin de sa vie. Il y a un livre qui le prouve et de ses élèves qui le prouvent. Alhamdulillah, ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. Walillahi alhamd. D'accord. Qui d'autre encore? Ibn Hajar, il y a le Qadi Iyad, Ibn Arabi, Ibn al-Arabi. Qui d'autre encore? Non, Ibn Hazm, c'est bien. Kada wa kada. A la kulli hal, beaucoup de savants ont été touchés par Al-Bayhaqi, Al-Muhaddith. Beaucoup de savants ont été touchés par cela. Alors voilà la question qui est posée ici. Qulna al-jawab, an al-su'al al-awwal. Innana la naslam an takuna nisbat al-asha'ira bihada al-qadar binisbat lisa'iri firaq al-muslimin. Fa inna hadhihi da'wa tahtaj ila idbat an tariq al-ihsa al-daqiq. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. Alors deux réponses on donne, on va donner deux réponses à cette histoire des 95% de musulmans qui seraient tombés dans ce madhab. La première, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce fait-là, c'est-à-dire de dire que 95% des musulmans sont tombés dans cette aqidah-là. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait une autre aqidah et que ce sondage-là soit faux. Donc il faudrait plus daqqaq. D'accord? Il faudrait plus être daqqaq, c'est-à-dire être précis en termes de sondage. Vous avez compris? Ça veut dire que dans chaque pays, dans chaque endroit, dans chaque contrée, on va faire un vrai sondage et à la fin on peut dire qu'il y a 95% des musulmans qui sont dans le ash'arisme. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Par exemple, ici, en France, tu ne peux pas dire que les gens ils sont ash'ari, les musulmans. Bien au contraire, alhamdoulilah, beaucoup ont la bonne aqidah. Beaucoup ont la bonne aqidah, walillah, alhamdoulilah. Je dirais même beaucoup, alhamdoulilah, les shababs lorsqu'ils rentrent dans le din. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres aqaïd par le fait qu'il y a d'autres da'wa, mais la da'wa quand même sa'ida qui montre, c'est la da'wa, la sunna, inshallah ta'ala, celle qui se montre et celle qui se différencie des autres. D'accord. Et puis pareil pour, on va dire, le Maghreb al-Arabi. Le Maghreb al-Arabi, c'est vrai que tout ce qui est ministère des affaires religieuses, c'est vrai que ils ne sont pas sur la sunna, c'est-à-dire en termes de aqida. Moi, je ne parle pas en termes de madhab. Le madhab, il choisit celui qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Il veut être maliki, il veut être shafi'i, il veut être kada. Malish. Parce que nous, on sait que, inshallah ta'ala, les quatre imams étaient sur une seule et même aqida. D'accord ? Walakin, madhab al-fiqh, choisissez ce que vous voulez. Mais madhab al-aqadi, en termes de croyance et en termes de dogme, là, on est obligé de choisir un seul, une seule croyance. Sinon, on ne s'unira jamais. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que Ash'ari, à partir du moment où lui, il a de la facilité à faire un ta'wil, à faire une interprétation dans les textes concernant la aqida, que dire alors de quoi? Du fiqh. Lui, dans le fiqh, il est capable de te faire même un ijtihad en ce temps-là. Vous avez compris, hein? Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Allah musta'an. Donc, en termes de sondage, il faudrait plus vérifier. La deuxième des choses, si même c'était la majorité des gens, c'est-à-dire 95%, la hujja, elle est dans l'ijma'. La hujja, elle est quoi? Elle est dans le ijma', c'est-à-dire dans quoi? Dans le consensus, et non pas dans l'aktariya, c'est-à-dire la majorité des gens. Si même la majorité des gens étaient ash'ari, est-ce que ça voudrait dire que tu dois les suivre? Non. Surtout si khalaf al-muslimin fi hada. Par exemple, on sait qu'il y a un ijma' sur le fait qu'Allah est au-dessus de son trône. On a l'ijma'. La sha'ira nous dit ils ne le disent pas. Vous avez compris? Hein? Taïb, qu'est-ce qu'on fait? On ne suit pas les sha'ira, c'est tout. Khalas. Voilà. ثم نقول ان اجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه اهل التاويل. Voilà ce qu'il dit. Il dit, et en plus de cela, le ijma' des musulmans était à l'opposé de ce que disent اهل التاويل, ce que disent les gens de التاويل, c'est-à-dire al-bid'a. فان السلف الصالح من صدر هذه الامه هم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى نعم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في قاعدة الرابعة من قواعد النصوص الصفات donc dans la quatrième قاعدة on a cité le fait que les salaf al-salih étaient mujma'in, c'est-à-dire qu'il y avait un consensus sur cette croyance-là. Ce n'est pas une croyance dans laquelle il y a un khilaf, vous avez compris ? Où le khilaf serait acceptable. Il n'y a pas... La croyance, c'est soit tu crois une chose qui est bonne, soit elle est mauvaise. Et les salaf al-salih sont tous sur cette aqida, c'est-à-dire affirmer les textes avec l'interdiction des quatre ta qu'on nous dit toujours, c'est-à-dire le tahrif, takif, ta'til, l'akhir. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc nous sommes sur ça. Et dans la qa'ida, la quatrième qa'ida, on a expliqué qu'il y avait un consensus des salafs sur cette croyance-là. Il n'y a pas lieu d'avoir khilaf dans ça. Et il n'y a pas de khilaf dans la aqida. D'accord? Taïb. Wal-jawab, an-su'al al-thani, anna Abul Hasan al-Ash'ari, wa ghayrahu min a'immati al-muslimina, لا يدعون لأنفسهم العصمة ومن الخطأ. Et la réponse concernant Abul Hasan al-Ash'ari, ils disent les Ash'ari, mais nous on suit Abul Hasan al-Ash'ari. C'est ça qu'ils disent. صح? C'est ça qu'ils disent. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais ce Abul Hasan al-Ash'ari, ainsi que les imams qui ont suivi ce Abul Hasan al-Ash'ari, est-ce qu'ils ont dit qu'ils étaient infaillibles et qui n'avaient pas de défaut, qui étaient mahsoumines, hein? Est-ce qu'ils ont dit ça eux-mêmes? Non, c'est vrai, c'est faux. Ce n'est pas mahsoumine ou le khata. بَلْ لَمْ يَنَالُوا الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ إِلَّا حِينَ عَرَفُوا قَدْرَ أَنفُسِهِمْ وَنَزَلُوهَا مَنْزِلَتَهَا وَكَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا اسْتَحَقُّوا بِهِ أَنْ يَكُونُوا أَئِمَّةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. طيب، دونك أبو الحسن الأشعري ainsi que ces imams là, comment ils ont eu le imam, comment ils ont eu le statut de imam, comment, si on leur a accordé ce statut-là, c'est-à-dire le statut de imam, comment ? Ils l'ont avec quoi ? Avec la vénération, la grandification des textes, le fait qu'ils ont adam les textes et que le Coran et la Sunna avaient la plus grande importance dans leur cœur. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, comment avoir le statut d'un imam ? C'est avec le suivi des textes. Vous avez compris ? Tayyib. Et ces gens qui s'affilient, ces gens-là, les contemporains, qui s'affilient à Abu al-Hassan al-Ash'ari ou à d'autres, ces gens-là, en réalité, ils n'ont pas suivi Abu al-Hassan al-Ash'ari. Ils n'ont pas suivi. Et ni suivi, ces imams-là. Ces imams-là n'ont pas suivi Abu al-Hassan al-Ash'ari. La preuve est que Abu al-Hassan al-Ash'ari a eu trois étapes dans sa vie, trois périodes, trois étapes dans sa vie, dans la aqida. Comme il va citer ici, il a été donc, l'i'tizal, et ensuite il a eu après l'i'tizal, de toute façon il va le citer là, Shir. Et à la fin, il a fait Tawba et il a écrit son livre Al-Ibana. Et ce livre Al-Ibana montre qu'il a fait Al-Tawba, il a fait une Tawba. Hein. Il lui restait quelques petites choses, d'accord ? Tu sors jamais. Intact hein, de ses choubouhats, etc. Il lui restait quelques petites choses, mais biljumla, globalement, il a fait une tawba, il est revenu sur le madhab des salaf. Est-ce que vous avez bien compris ça, Inch'Allah ? Taïb. Quels sont ces trois marahil ? Quelles sont ces trois étapes qu'il a eues dans sa vie ? Taïb. Al-marhalatul oula, marhalat l'i'tizal. Donc il était mu'tazili, il suivait la aqidah des mu'tazili pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il était mu'tazili. Tu t'en sors pas comme ça, hein. 40 ans, tu t'imagines. ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. Et ensuite, hein, il est sorti de cette période-là, de 40 ans, et il a commencé à faire des redoutes sur les mu'tazila. Et quand il a répliqué sur les mu'tazila, lorsqu'il a répliqué sur les mu'tazila, il a été dur avec eux. Donc ce qui prouve que il était lui-même il a reconnu qu'il était à la al-batil. Al-marhala al-thaniya marhala bayn al-i'tizali al-mahdhi was-sunnah al-mahdha salaka fiha tariq Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفحة 471 من مجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن القاسم والأشعري وامثاله برزق بين السلف والجهمية وأخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نسيت cette مرحلة qu'il a eu, cette période qu'il a eu, cette étape qu'il a eu, شيخ أبو الحسن الأشعري, entre l'i'tizal et entre la sunna. D'accord, il était entre les deux. Et il suivait en cela un autre shirk qui s'appelait Ibn Kullab, qui lui-même est la tête d'une secte qui s'appelle Al-Kullabiyya. D'accord ? Tayyib. Et Al-Ash'ari, il dit, Cheikh l'Islam, Al-Ash'ari et ses adeptes, ou les gens qui lui ressemblent, sont un barzakh, sont un monde, entre guillemets, intermédiaire, hein, entre les salafs et les jahmiyyah. Ils étaient entre les salafs et les jahmiyyah. Alors, ils ont pris des choses qui sont vraies des salafs, ils ont mélangé cela à quoi ? Au sol, au fondement, qui était complètement faux des Jahmiyyah, et qu'ils ont pensé qu'ils étaient bons et qu'ils étaient corrects. Ensuite, il dit Al-Marhalatu al-Thalitha, la troisième étape, troisième période, I'tinaq madhhab al-Sunnah wal-Jama'a muqtadiyan bil-Imam أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره في كتاب الإبانة من أصول الديانة. La troisième période, la troisième étape pour ce cheikh Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est le fait qu'il soit revenu vers le haqq et vers le madhhab de l'imam Ahmed, même dans sa aqida, le madhhab d'imam Ahmed, comme lui-même l'a cité dans Al-Ibana, an usul al-diyana. An wish usul al-diyana, c'est-à-dire ce livre-là, c'est l'Ibana de qui ? D'Abu al-Hassan al-Ash'ari. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils disent les Ash'ari ? Ils disent non, ce livre-là n'est pas à lui. Nous, on leur dit, mais subhanallah, nous, on veut qu'il tombe, on vous le ramène. Et lui-même, ça se voit que c'est ses écrits, et c'est facile à vérifier. Et beaucoup de savants de son époque, dans les biographies, l'ont affirmé. Mais vous, vous nous dites non. Non, on ne connaît pas. Non, Al-Ibana, non, on ne connaît pas. Taïb, alors, si ce n'est pas le cas, il est égaré, et vous aussi. C'est vrai, c'est faux. Vous allez nous menacer parce que le fait que, khalas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, hein, Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est lui qui connaît tout et personne d'autre. Subhanallah. Déjà, le fait de juste suivre un homme et se revendiquer et dire Ash'ari et se revendiquer et dire que c'est cet homme-là qui a la vérité, etc., et pas les autres, déjà, cet homme-là, ça veut dire que tu lui as donné quelle place? La place d'un prophète. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Celui qui dit que cet homme-là, il lui obéit complètement comme s'il obéit au prophète, alayhi salam, celui-là, il lui a donné le statut d'un prophète. Et celui-là, yakfur. Vous avez compris ? Tayyib. Qala fi muqaddimatihi, dans ce livre-là, ja'ana, ya'ni nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi kitabin azizin, la ya'tihi al-batil min bayna yadayhi, wa la min khalfihi, tanzilun al-hakim al-hamid, jama'a fihi ilm al-awwalina, wa akmala bihi al-fara'idha wa al-din, fahuwa siratullahi al-mustaqim, wa habluhu al-matin, man tamassaka bihi naja, wa man khalafahu dhalla wa ghawa, wa fi al-jahli taradda. وحث الله في كتابه على المتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير مما غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم نبذ كثير نعم فنبذ كثير ظهور وراء ظهورهم وعدلوا إلى الأسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدنايتهم بديانتهم عفوا وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثم ذكر رحمه الله تعالى وصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطنانها ثم قال bon, toute cette مقدمة que je viens de lire, c'est pour montrer que Cheikh Abu al-Hassan al-Ash'ari est revenu, c'est-à-dire il dit que il faut absolument revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas être égaré, etc., etc. D'accord ? Il cite ensuite les versets et il montre l'importance du suivi. D'accord ? Tout ça, c'est pour dire ça. Mais ensuite, il dit, et là, il cite les fondements pour reconnaître les gens de la bid'a. Il dit, « فَإِنْ قَالَ قَائِلْ قَدْ أَنْكَرْتُمْ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَ وَالْجَهْمِيَّ وَالْحَرُورِيَّ وَالْرَافِضَ وَالْمُرْجِيَ فَعَرِّفُونَ قَوْلَكُمْ الَّذِي تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روى الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر على الله يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. طيب، توست مقدمة لك جون فوليغ لا فات كيس كي دي لشيخ يلدي سير الجهمية والحارورية كي تي دونك الخوارج والرافضة والمرجية نبوز لك كيستيون ينوديز Donnez-nous, dites-nous c'est quoi votre aqida. Et là, c'est Abul Hassan qui dit ça, qui dit s'il me pose la question, s'il nous pose la question, nous répondrons que notre parole, c'est la parole d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, celle des tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et surtout, celle, la tariqa, la voix de l'imam Ahmed. Donc on voit bien ici qu'il revient sur quoi ? Sur la aqida de l'imam Ahmed. Et que tous ceux qui khalafent ce madhab-là, il est à l'al-batil. Vous avez compris, inshallah. Et ensuite, il cite les choses que lui-même, il avait niées auparavant, ou plutôt fait un ta'wil. D'accord ? Ensuite, il les cite. Et ensuite, il revient, na'am, sur cela, et Cheikh Al-Uthaymin explique. Cheikh Al-Uthaymin explique qu'en réalité, les Asha'ira, de notre époque, les contemporains, ils suivent qui en réalité ? Ils ont suivi la deuxième marhala et non pas la dernière. Vous avez compris ? Ils ont suivi la deuxième étape de qui ? De Abul Hassan al-Ash'ari, mais ils n'ont pas suivi la dernière. Ensuite, il dit « ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة التناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة وقال قبل ذلك وأما الأشعري فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ومعنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم من فساد بالضرورة. طيب تدي دونك الأشاعرة ici ceux qui ont suivi la dernière marhala c'est-à-dire de الإبانة إن شاء الله يسمع على الحق جملة mais تدي si ils suivent les usul de Abu al-Hasan, les anciens, alors ils diront forcément la même chose que disent les Jahmiyyah dans certains cas. D'accord ? Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc là, on voit bien que Cheikh ici. Hein. Par contre, le bait que j'aurais bien voulu que vous appreniez, c'est celui-là. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadha ka sam'u wal basaru. La sha'ira affirme ces sifat qui sont du nombre de 7. Ils disent pourquoi ? Parce que le aql les affirme. D'accord ? La vie, hay, la science, alim, qadir, la qudra, al-kalam, mais le kalam, ça aussi, hein, le kalam, ils ont ta'ouil sur le kalam. D'accord ? Al-kalam, c'est quoi ? La parole. Irada, la volonté, et sam' wa al-basar. Sam' wa al-basar, c'est-à-dire, hein, le fait de voir et d'entendre. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Toi, fais voir ton texte, comment il est. Parce que toi, tu as directement le matin. Regarde s'il est aussi long ou pas. Il est où le matin ? Toi, tu n'as que le matin. On en était là. Hein? Tiens. On donne-lui. Ensuite, il dit قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح الحراس الإمام واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه من سواه بغير ما بصر بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. Donc là, on a des abiyat d'An-Nouniya qui montrent que les Asha'ira hein, sont restés sur ce tariq-là, sur cette voie-là. D'accord ? Sur cette voie de la deuxième marhala de qui ? De Abu'l-Hassan al-Ash'ari. Ensuite, il dit, après les abiyat, on va pas vous les traduire, ala kulli hal, c'est pour prouver le dalal, l'égarement dans lequel ils sont. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. طيب إلى il dit, Shinqiti, sache qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont trompés de parmi les contemporains, donc il fait une ishara sur qui ? Sur les Asha'ira. Faza'amu, ils ont prétendu que ce qui est voulu du texte de l'istiwa ou de l'yed, ils ont voulu dire que cela fait partie des choses qui ressemblent aux sifat des makhlouqin, aux sifat des créatures. Et il dit, donc, il faut absolument sortir cela du sens propre et lui donner l'interprétation du sens figuré. Donc, il fait ici référence à qui ? Au Asha'ira. Il dit ensuite, « قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. طيب ici il montre, il dit, et cela ne doit pas y avoir un doute sur le fait que dire ce genre de choses, dire ce que dit les Asha'ira, c'est-à-dire sortir directement les paroles de leur contexte en leur donnant le sens figuré, cela fait partie du kufr billah. Hein, lui, il dit directement que c'est du kufr billahi ta'ala. Ensuite, il dit « Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam alladhi qila lahu wa anzalna ilayka al-dhikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa lam yubayyin harfan wahidan min dhalika ma'a ijma'in min ya'taddu bihi min al-ulama. » على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك ظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم. Bon, je vais essayer de vous résumer, c'est ça. Alors, ici il dit de dire, et ça je voulais répéter plusieurs fois, de dire ce qu'ils disent, les Asha'ira, de sortir les textes hein, de leur sens propre et de le mettre au sens figuré sans aucune preuve. D'accord ? Cela, en réalité, pousserait à dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, cela veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé ce dîn comme si c'était une devinette à chacun. D'accord ? C'était une devinette. Chacun doit deviner ce qu'il veut des textes, alors que ce n'est pas ça. Et que le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, avait l'ordre de montrer et d'expliquer et expliciter tout le dîn. Donc de venir dire ça, c'est comme si on disait, hein, c'est comme si on disait que le prophète alayhi salam n'avait pas accompli sa mission en réalité. C'est ça la finalité de cette chose-là. Et c'est pour ça que certains ont dit que c'était du kufr. Alors attendez, j'essaie de passer parce que là, Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour le finir, inshallah ta'ala, mais inshallah je vais essayer de passer sur les passages les plus importants. Voilà, vous l'avez pas en arabe alors, vous? Il y en a qui l'ont en arabe. En français plutôt. طيب والأشعري أبو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والجماعة وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. Donc à la كل حال, ce qu'il faut retenir, c'est que Abu al-Hassan a fait tauba avec ce livre qui est Al-Ibana. Et s'il ne l'accepte pas, ben qu'il ne l'accepte pas. Tant pis pour vous. Hein, si vous voulez pas l'accepter, ça veut dire que ça montre encore plus votre ta'assoub, votre fanatisme et votre sectarisme, et ça veut dire vraiment que vous êtes entêté dans votre faux, dans votre ménage qui est faux. Et voilà. Et ensuite, il dit, shir ici, il dit qu'en réalité, si tu suis réellement et tu veux qallad ton shir Abu al-Hassan, alors suis-le comme il a fini. Il a fini jumlatan ala aqidat ahl sunnah wal jama'a. Donc, essaye de terminer hein, comme lui, il a terminé, ou moins, comment lui, il a fini. D'accord ? Taïb. Taïb. Et le jawab, la réponse à la troisième question, qui a été posée hein, dans les trois questions qu'on a posées auparavant, il dit min wajhin, de deux manières on peut répondre. أول أن الحق لا يزن بالرجال وإنما يزن الرجل الرجال بالحق وهذا هو الميزان الصحيح وإن كان المقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته فقد يكون الرجل دينيا دينا وهذا خلق وذا خلق دينيا نعم دينا Normalement, c'est dini, je ne sais pas, il doit avoir une faute. وَذَا خُلُقٍ وَلَكِنْ يَكُونُ نَاقِسَ الْعِلْمِ أَوْ ضَعِيفَ الْفَهْمِ فَيَفُوتُهُ مِنَ الصَّوَابِ بِقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ النَّقْسِ وَالضَّعْفِ أَوْ يَكُونْ قَدْ نَشَأَ عَلَى طَرِيقٍ مُعَيِّنٍ أَوْ مَذْهَبٍ مُعَيِّنٍ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ غَيْرَهُ فَيَظُنُّ أَنَّ الصَّوَابَ مُنْحَصِرٌ فِيهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. Regardez la première réponse qu'il donne. Hein? À la troisième question. C'était quoi la troisième question? Hein? Non. Hein? Hein? Ceux qui suivent? Voilà. Alors regardez, ça c'est pour bien comprendre comment les savants se sont comportés avec justement ces savants qui ont été touchés et influencés par cette aqidat al-Ash'ari. Suivez bien. Il dit ici plusieurs choses, Cheikh Al-Uthaymeen. Il dit de toute façon, les gens on les mesure hein, avec quoi ? Avec le haq qu'ils ont. D'accord ? Et non pas avec le batil. D'accord ? Et que de dire que al-kathra, la majorité, c'est un dalil, hein, ça c'est inacceptable. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a même blâmé quoi ? La majorité dans le Coran. Wa in tuti' akthara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Donc la majorité, ça n'a jamais été un critère d'acceptation des paroles. C'est vrai ou c'est faux ? Ça c'est une chose. L'autre point aussi, c'est que cette personne-là, il est possible que c'est une personne qui n'a pas eu de fahm à ce moment-là, qui n'a pas eu de la bonne compréhension à ce moment-là. Et même si des fois on voit des gens, c'est des religions en eux-mêmes. Ça veut dire que c'est des gens, tu le vois, il a l'ahya, il est dans la religion, etc. Mais par le fait qu'il n'a mal compris une chose, ou qu'il a mal fait une chose, hein, on va pas lui attribuer, comment dirais-je, on va pas le, comment dirais-je, le hein, le casser entre guillemets sur tous les angles. Vous avez compris, ça, inchallah. Donc il se peut que des fois tu rencontres quelqu'un qui est religieux, etc., mais qui peut avoir du khata sur lui-même. Donc c'est le même cas ici. Shir veut expliquer que c'est le même cas ici et qu'il faut avoir une certaine justice et se dire que il est possible que ces imams-là ont vécu dans un endroit où il n'y avait que ça. Et ils ont pensé que le sawab c'était que ça. Vous avez compris, inshallah. Et que nous, on va regarder à partir de ce moment-là le critère de quoi ? De est-ce que c'était quelqu'un qui cherchait le haq et qui cherchait le khir à travers des indices dans sa vie, qu'on voyait que c'était quelqu'un qui, des fois, disait qu'il faut suivre les salafs, etc., etc. Mais par le fait qu'il habitait dans une région hein, où il n'y avait que cela, Naam, il est resté dans ce madhab-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Donc il y a des indices qui nous prouvent qu'il y a des gens qui cherchent la vérité et d'autres non. D'autres qui s'entêtent dans quoi ? Dans le mal. C'est vrai ou c'est faux ? On a possibilité de vérifier ça. Donc ce n'est pas un critère d'acceptation ici. Al-Thani, le deuxième jawab, il dit أَنَنَا إِذَا قَابَلْنَا الرِّجَالَ الَّذِينَ عَلَى طَرِيقِ الْأَشَاعِرَ بِالرِّجَالِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ وَجَدْنَا فِي طَرِيقِ السَّلَفِ هُمْ أَجَلْ وَأَعْظَمْ وَأَهْدَى وَأَقْوَمْ مِنَ الَّذِينَ على طريق الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة وإذا ارتقيت إلى من هم من التابعين إلى آخره. Oui, je me souviens de ça. Donc il dit quoi? Il dit: et si maintenant pour vous ces gens-là, ces Ash'ari, ou ces imams qui sont tombés dans l'Ash'arisme, le critère que vous avez, c'est quoi chez vous, la chose avec laquelle vous allez le juger, c'est que c'est des gens qui sont des vrais hommes et qui avaient beaucoup de khair. Nous verrons, nous allons vous apporter des gens de parmi les salafs qui avaient beaucoup plus de khair que ces Ash'ari, comme par exemple les quatre imams. Vous avez compris? S'il te dit oui, mais les Ash'ari, la majorité des gens c'est les Ash'ari, réponds-lui, toi, par quoi? Par les quatre imams, ils étaient Ash'ari? Non, ils n'avaient pas cette aqida là, c'est vrai ou c'est faux? Sinon, on aurait eu quand même au moins un texte qui nous le prouve. C'est vrai ou faux? Hein? Ah bon, ils disent ça? Ils ne peuvent pas être des Ash'ari, parce que déjà, lui, Abou al-Hassan al-Ash'ari, il a changé de Aqida, déjà, premièrement. Sah? Déjà, lui, il a eu plusieurs marahil. Bon, il te dit, c'est la marhala finale. Pour eux, c'est la deuxième. D'accord? Mais, l'imam Abou Hanifa, il dit, dans Mukhtasar al-Ulu, par exemple, il dit que Allah est au-dessus de son trône. Il dit que celui qui dit le contraire, c'est un kafir. L'Ash'ari le dit, ça. Ils ne le disent pas. Et l'imam Malik aussi le dit. Et l'imam Shafi'i aussi le dit. Et l'imam Ahmed aussi le dit. Donc si vous avez des chaînes de transmission vers vos imams, montrez-les-nous. D'accord? Montrez-les. Mais en tout cas, on va vous ramener dans plusieurs... Par exemple, l'Asma aussi fait. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait? L'imam Ahmed, il est bien ajal, il est bien plus fort et bien plus haut que Abou al-Hassan al-Ash'ari. Et pourtant, ça veut dire si c'est une question de quoi? De regarder les hommes, nous on va vous ramener des hommes qui étaient beaucoup plus guidés et beaucoup plus forts dans le khair, etc. Et qui n'étaient pas sur cette aqidah-là. Et ça, on peut le prouver avec quoi? On peut le prouver avec leur aqidah, c'est-à-dire prendre la aqidah d'Ash'ari et prendre cette aqidah-là et regarder. Ça, on peut confronter les deux choses, c'est vrai ou c'est faux? Nous, on a des textes clairs sur les tabi'ines qui disaient qu'il fallait suivre les textes sans ta'wil, sans kada, sans kada. Mais eux, non. L'Ash'ari, ils font le ta'wil direct. D'accord? Ils ont des livres sur ça. Alors, il ne faut pas qu'ils mentent. Hein. Allah musta'an. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire le ta'wil. À la kulli hal, inshallah ta'ala, yatoul le waqt. Wana andi ashiya, je dois faire encore des choses. Je pensais qu'on allait le terminer. Qu'est-ce que vous pensez? On peut le faire demain, tu peux lui demander. Demande, s'il y a possibilité, on le termine demain matin encore. Sinon, à la kulli hal, on terminera, inshallah ta'ala, la prochaine fois. Parce que là, il reste beaucoup, il me reste encore à faire des choses. À la kulli hal, al-maqsoud, le voulu du livre, et tout à l'heure, c'est quand il a dit...